pense plus à lui. Mais mon amour, c'était l'homme de ma vie. Oh mon amour, aujourd'hui je suis là. Mais mon amour, il était bien plus beau que toi. Ta beauté me fait souffrir. Oh mon amour, ta laideur me fait sourire. Oh mon amour, tes yeux verts me font mourir. Oh mon amour, tu nages en plein délire. Moi je n'aime que lui. Je n'aime que toi. Je veux me blottir dans ses bras. Moi je n'aime que toi. Moi je n'aime que lui. Mon ange, mon amour, ma chérie. Oh mon amour, avec toi la vie est moins grise. Oh mon amour, arrête un peu ces sottises. Oh mon amour, reste-t-il encore une place? Oh mon amour, ramène-toi, je le remplace. Moi je n'aime que lui. Moi je n'aime que toi. Je veux me blottir dans tes bras. Moi je n'aime que toi. Moi je n'aime que lui. Mon ange, mon amour, ma chérie. Que toi, je veux me blottir dans tes bras. Moi je n'aime que toi. Moi je n'aime que lui. Mon ange, mon amour, ma chérie.